Deuxième partie, chapitre 4. Andermatt et le docteur Latonne se promenaient devant le casino, sur la terrasse ornée de vases en simili-marbre. « Il ne me salue même plus !» disait le médecin, parlant de son confrère Bonnefille. « Il est là-bas dans son trou comme un sanglier. Je crois qu'il empoisonnerait nos sources s'il pouvait. » Andermatt, les mains derrière le dos, le chapeau, un petit chapeau melon en feutre gris rejeté sur la nuque et laissant deviner la calvitie du front, songeait profondément. Il dit enfin « Oh, dans 3 mois, la société aura couché les pouces. Nous en sommes à 10 000 francs près. C'est ce misérable bonne fille qui les excite contre moi et qui leur fait croire que je céderai. Mais ils se trompent. » Le nouvel inspecteur reprit. « Vous savez qu'ils ont fermé leur casino depuis hier. Ils n'avaient plus personne. » « Oui, je le sais. Mais nous n'avons pas assez de monde ici, nous. » On reste trop dans les hôtels. Et dans les hôtels, on s'ennuie, mon cher. Il faut amuser les baigneurs, les distraire, leur faire trouver trop courte la saison. Ceux de notre hôtel Mont-Oriol viennent tous les soirs parce qu'ils sont tout près, mais les autres hésitent et restent chez eux. C'est une question de route, pas autre chose. Le succès tient toujours à des causes imperceptibles qu'on doit savoir découvrir. Il faut que les chemins conduisant à un lieu de plaisir soient eux-mêmes un plaisir, le commencement de l'agrément qu'on aura tout à l'heure. Les voies menant ici sont mauvaises, pierreuses, dures, elles fatiguent. Quand une route allant quelque part où on désire vaguement se rendre est douce, large, ombragée pendant le jour, facile et peu montante pour le soir, on la choisit fatalement de préférence aux autres. Si vous saviez comme le corps garde le souvenir de 1000 choses que l'esprit n'a pas pris la peine de retenir. Je crois que la mémoire des animaux est faite ainsi. Avez-vous eu trop chaud en vous rendant à tel endroit? Vous êtes-vous lassé les pieds sur les cailloux mal écrasés? Avez-vous trouvé une montée trop rude? Pendant même que vous pensiez à autre chose, vous éprouverez pour retourner à ce lieu-là une répugnance physique invincible. Vous causiez avec un ami, vous n'avez rien remarqué des légers ennuis de la marche, vous n'avez rien regardé, rien noté. Mais vos jambes, vos muscles, vos poumons, votre corps tout entier n'ont pas oublié, eux, et ils disent à l'esprit, quand l'esprit veut les reconduire par la même route, « Non, je n'irai pas. J'y ai trop souffert. » Et l'esprit obéit à ce refus sans le discuter, subissant ce langage muet des compagnons qui le portent. Donc, il nous faut de beaux chemins. Cela revient à dire qu'il me faut les terres de cette bourrique du père Oriol. Mais patience. Ah, à ce propos, Maroussel est devenu propriétaire de son chalet aux mêmes conditions que Rémuseau. C'est un petit sacrifice dont il nous dédommagera largement. Tâchez donc de savoir au juste les intentions de Cloche. « Il fera comme les autres, » dit le médecin. « Mais il y a encore une chose à laquelle j'ai pensé depuis quelques jours et que nous avons complètement oubliée. C'est le bulletin météorologique. »« Quel bulletin météorologique ?» Dans les grands journaux de Paris, c'est indispensable cela. Il faut que la température d'une station thermale soit meilleure, moins variable, plus régulièrement tempérée que celle des stations voisines et rivales. Vous prendrez un abonnement au bulletin météorologique dans les principaux organes de l'opinion, et j'enverrai tous les soirs, par télégraphe, la situation atmosphérique. Je la ferai telle que la moyenne constatée en fin d'année soit supérieure aux meilleures moyennes des environs. La première chose qui nous saute aux yeux en ouvrant les grands journaux, c'est la température de Vichy, de Roya, du Mont-d'Or, de Châtel-Guyon, etc., etc., pendant la saison d'été. Et pendant la saison d'hiver, la température de Cannes, Menton, Nice, Saint-Raphaël. Il doit faire toujours chaud et toujours beau dans ces pays-là, mon cher directeur, afin que le Parisien se dise « Christi, ont-ils de la chance, ceux qui vont là-bas » Andermatt s'écria « Sacrebleu, vous avez raison! Comment je n'ai pas pensé à cela? Je vais m'en occuper aujourd'hui même. En fait, de choses utiles, avez-vous écrit aux professeurs de la Renard et Pascali? En voilà deux que je voudrais bien avoir ici. » « Inabordable, mon cher président, à moins qu'ils ne s'assurent par eux-mêmes, après beaucoup d'expérience, que nos eaux sont excellentes. Mais auprès d'eux, vous ne ferez rien par persuasion, anticipez. » Ils passaient devant Paul et Gontran, venus pour prendre le café après leur déjeuner. D'autres baigneurs arrivaient, des hommes surtout, car les femmes, en sortant de table, montent toujours une heure ou deux dans leur chambre. Pétrus Martel surveillait ses garçons, criait « Un Comelle, une Fine, une Anisette !» de la même voix roulante et profonde qu'il prendrait une heure plus tard pour diriger la répétition et donner le ton à la jeune première. Andermatt s'arrêta quelques instants à causer avec les deux jeunes gens, puis il reprit sa promenade aux côtés de l'inspecteur. Gontran, les jambes croisées, les bras croisés, renversé sur sa chaise, la nuque appuyée au dossier, les yeux et le cigare au ciel, fumait, plongé dans un bonheur parfait. Tout à coup, il demanda « Veux-tu faire un tour tout à l'heure au vallon de Sans Souci? Les petites y seront. » Paul hésita, puis, après quelques réflexions, « Oui, je le veux bien. » Puis il ajouta « Ça va, ton affaire ?»« Parbleu, oh, je la tiens, elle n'échappera pas à présent. » Gontran avait pris maintenant son ami pour confident et lui contait jour par jour ses progrès et ses avantages. Il le faisait même assister, en complice, à ses rendez-vous, car il avait obtenu, d'une façon fort ingénieuse, des rendez-vous de Louise Auriol. Après la promenade au puits de la Nugère, Christiane, mettant fin aux excursions, ne sortait plus guère et rendait difficiles les rencontres. Le frère, troublé d'abord par cette attitude de sa sœur, avait cherché les moyens de se tirer de cet embarras. Habitué aux mœurs de Paris, où les femmes sont considérées, par les hommes de son espèce, comme un gibier dont la chasse est souvent difficile, il avait usé, jadis, de bien des ruses pour approcher de celles qu'il convoitait. Il avait su, mieux que personne, employer les intermédiaires, découvrir les complaisances intéressées, et juger, d'un coup d'œil, ceux ou celles qui favoriseraient ses intentions. Le secours inconscient de Christiane venant soudain à lui manquer, il avait cherché autour de lui le trait d'union nécessaire, la « nature souple », suivant son mot, qui remplacerait sa sœur. Et son choix s'était arrêté bien vite sur la femme du docteur Honorat. Beaucoup de raisons la désignaient. Son mari, d'abord, très lié avec les Auriol, soignait cette famille depuis 20 ans. Il avait vu naître les enfants, dînait chez eux tous les dimanches et les recevait à sa table tous les mardis. La femme, une grosse et vieille demi-dame, prétentieuse, facile à conquérir par la vanité, devait prêter ses deux mains à tout désir du comte de Ravenel, dont le beau-frère possédait l'établissement du mont Auriol. Gontran, d'ailleurs, qui s'y connaissait en proxénète, avait jugé celle-là très bien douée par la nature, rien qu'à la voir passer dans la rue. « Elle en a le physique, » pensait-il, « et quand on a le physique d'un emploi, on en a l'âme. » Donc, il était entré chez elle, un jour, en reconduisant le mari jusqu'à sa porte. Il s'était assis, avait causé, complimenté la dame, et comme l'heure du dîner sonnait, il avait dit en se levant « Ça sent fort bon chez vous, vous faites de meilleure cuisine qu'à l'hôtel. » Madame Honorat, gonflée d'orgueil, balbutia « Mon Dieu, si j'osais, monsieur le comte !»« Si vous osiez quoi, chère madame ?»« Vous priez de partager notre modeste repas. » ma foi, je dirais oui. » Le docteur, inquiet, murmura « Mais nous n'avons rien, rien. Le pot-au-feu, le bœuf, une poule, voilà tout. » Gontran riait. « Ça me suffit, j'accepte. » Et il avait dîné chez le ménage Honora. La grosse femme se levait, allait saisir les plats entre les mains de la bonne pour que celle-ci ne répandît point de sauce sur la nappe, et malgré les impatiences de son mari, faisait tout le service elle-même. Le comte l'avait félicité sur sa cuisine, sur sa maison, sur sa bonne grâce, et il l'avait laissée enflammée d'enthousiasme. Il était revenu faire sa visite de digestion, s'était laissé inviter de nouveau, et il entrait maintenant sans cesse chez madame Honora, où les petites Orioles venaient aussi à tout moment, depuis beaucoup d'années, en voisine et en amie. Il passait donc là des heures entre les trois femmes, aimable pour les deux sœurs, mais accentuant bien, de jour en jour, sa préférence marquée pour Louise. La jalousie née entre elles, dès qu'il s'était montré galant auprès de Charlotte, prenait des allures de guerre haineuse du côté de l'aînée et de dédain du côté de la cadette. Louise, avec son air réservé, mettait dans ses réticences et ses manières contenues vis-à-vis de Gontran plus de coquetterie et d'avance que n'avait fait l'autre auparavant, avec tout son abandon libre et joyeux. Charlotte, blessée au cœur, cachait sa peine par orgueil, semblait ne rien voir, ne rien comprendre, et continuait à venir avec une belle indifférence apparente à toutes ses rencontres chez madame Honora. Elle ne voulait point rester chez elle, de crainte qu'on pensât qu'elle souffrait, qu'elle pleurait, qu'elle cédait la place à sa sœur. Gontran, trop fier de sa malice pour la cacher, n'avait pu s'empêcher de la conter à Paul. Et Paul, la trouvant drôle, s'était mis à rire. Il s'était promis d'ailleurs, depuis les phrases ambiguës de son camarade, de ne plus se mêler de ses affaires. Et souvent, il se demandait avec inquiétude « Sait-il quelque chose de Christiane et de moi ?» Il connaissait trop Gontran pour ne pas le croire capable de fermer les yeux sur une liaison de sa sœur. Mais alors, comment n'avait-il pas laissé comprendre plus tôt qu'il la devinait ou qu'il la savait ? Gontran était en effet de ceux pour qui toute femme du monde doit avoir un amant ou des amants, de ceux pour qui la famille n'est qu'une société de secours mutuel, pour qui la morale est une attitude indispensable pour voiler les goûts divers que la nature a mis en nous, et pour qui l'honorabilité mondaine est la façade dont on doit cacher les aimables vices. S'il avait poussé d'ailleurs sa petite sœur à épouser un dermate, n'était-ce pas avec la pensée confuse, sinon bien arrêtée, que ce juif serait exploité, de toutes les façons, par toute la maison, et il aurait peut-être autant méprisé Christiane d'être fidèle à ce mari de convenance et d'utilité, qu'il se serait méprisé lui-même de ne pas puiser dans la bourse de son beau-frère. Paul songeait à tout cela. Et tout cela troublait son âme de Don Quichotte moderne, disposé d'ailleurs aux capitulations. Il était alors devenu très réservé vis-à-vis de cet énigmatique ami. Donc, quand Gontran lui avait dit l'usage qu'il faisait de madame Honora, Bretigny s'était mis à rire. Et même, depuis quelque temps, il se laissait conduire chez cette personne et prenait grand plaisir à causer avec Charlotte. La femme du médecin se prêtait, de la meilleure grâce du monde, au rôle qu'on lui faisait jouer. Offrait du thé, vers 5 heures, comme les dames de Paris, avec de petits gâteaux confectionnés de sa propre main. La première fois que Paul pénétra dans cette maison, elle le reçut comme un vieil ami, le fit asseoir, le débarrassa malgré lui de son chapeau, qu'elle porta sur la cheminée à côté de la pendule. Puis, empressée, remuante, allant de l'un à l'autre, énorme et le ventre en avant, elle demandait « Êtes-vous disposé pour la dînette ?» Gontran disait des drôleries, plaisantait, riait avec une aisance complète. Il entraîna quelques instants Louise dans l'embrasure d'une fenêtre, sous l'œil agité de Charlotte. Madame Honora, qui causait avec Paul, lui dit d'un ton maternel « Ces chers enfants, ils viennent ici s'entretenir quelques minutes. C'est bien innocent, n'est-ce pas, monsieur Bretigny ?»« Oh, très innocent, madame !» Quand il revint, elle l'appela familièrement « Monsieur Paul », le traitant un peu comme un compère. Et depuis lors, Gontran racontait avec sa verve gouailleuse toutes les complaisances de la dame à qui il avait dit la veille « Pourquoi n'allez-vous jamais vous promener avec ces demoiselles sur la route de Sans Souci ?»« Mais nous irons, monsieur le comte, nous irons !»« Demain, vers 3 heures, par exemple. » »« Demain, vers 3 heures, monsieur le comte. » « Vous êtes tout à fait aimable, madame Honora. »« À votre service, monsieur le comte. » Et Gontran expliquait à Paul « Tu comprends que dans ce salon, je ne puis rien dire d'un peu pressant à l'aîné devant la cadette. Mais dans le bois, je pars en avant ou je reste en arrière avec Louise. Alors tu viens ?»« Oui, je veux bien. Allons. » Ils se levèrent et partirent tout doucement par la grande route. Puis, ayant traversé la roche pradière, ils tournèrent à gauche et descendirent dans le vallon boisé à travers les buissons emmêlés. Quand ils eurent passé la petite rivière, ils s'assirent au bord du sentier pour attendre. Les trois femmes arrivèrent bientôt à la file, Louise en avant et madame Honora derrière. On eut l'air surpris de part et d'autre de se rencontrer. Gontran s'écriait « Tiens, quelle bonne idée vous avez eue de venir par ici !» La femme du médecin répondit « Voilà, c'est moi qui l'ai eue, cette idée-là » Et on continua la promenade. Louise et Gontran hâtaient le pas peu à peu, prenaient de l'avance, s'écartaient tellement qu'on les perdait de vue au détour de l'étroit chemin. La grosse dame qui soufflait murmura en leur jetant un coup d'œil indulgent « Ah, c'est jeune, ça a des jambes, moi je ne peux pas les suivre !» Charlotte s'écria « Attendez, je vais les rappeler !» Elle s'élançait. La femme du médecin la retint. « Ne les gêne pas, ma petite, s'ils veulent causer. Ce n'est pas aimable de les déranger. Ils reviendront bien tout seuls. » Et elle s'assit sur l'herbe, à l'ombre d'un pin, en s'éventant avec son mouchoir. Charlotte jeta sur Paul un regard de détresse, un regard implorant et désolé. Il comprit et dit « Eh bien, mademoiselle, nous allons laisser madame se reposer, et nous rejoindrons votre sœur, nous. » Elle répondit avec élan « Oh oui, monsieur !» Madame Honora ne fit aucune objection. « Allez, mes enfants, allez, moi je vous attends ici. Ne soyez pas trop longtemps. » Et ils s'éloignèrent à leur tour. Ils marchèrent vite, d'abord, ne voyant plus les deux autres, et espérant les rejoindre. Puis, après quelques minutes, ils pensèrent que Louise et Gontran avaient dû tourner soit à gauche, soit à droite, à travers bois. Et Charlotte appela d'une voix tremblante et contenue. Personne ne lui répondit. Elle murmura « Oh, mon Dieu, où sont-ils ?» Paul se sentit en veille de nouveau par cette pitié profonde, par cet attendrissement douloureux qu'il avait saisi déjà au bord du cratère de la Nugère. Il ne savait que dire à cet enfant désolé. Il avait envie, une envie paternelle et violente, de la prendre dans ses bras, de l'embrasser, de trouver pour elle des choses douces et consolantes. Lesquelles ? Elle se tournait de tous les côtés, fouillant les branches de ses yeux affolés, écoutant les moindres bruits, balbutiant « Je crois qu'ils sont par ici. »« Non, par là. N'entendez-vous rien ?»« Non, mademoiselle, je n'entends rien. Le mieux est de les attendre ici. »« Oh, mon Dieu, non, il faut les trouver. » Il hésita quelques secondes, puis il lui dit très bas « Cela vous fait donc beaucoup de peine. » Elle leva sur lui un regard éperdu où les larmes commençaient à poindre, couvrant l'œil d'un léger nuage d'eau transparente encore retenue par les paupières bordées de longs cils bruns. Elle voulait parler, ne pouvait pas, n'osait pas. Et pourtant, son cœur gonflé, fermé, si plein de chagrin, avait tant besoin de s'épandre. Il reprit. « Vous l'aimiez donc bien fort. Il ne mérite pas votre amour, allez. » Elle ne se put contenir plus longtemps, et jetant ses mains sur ses yeux pour cacher ses pleurs. « Non, non, je ne l'aime pas. Lui, c'est trop vilain de s'être conduit comme ça. Il s'est joué de moi. C'est trop vilain, c'est trop lâche. Mais ça m'a fait de la peine tout de même. Beaucoup, parce que c'est dur, bien dur, oh oui. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est ma sœur qui ne m'aime pas non plus, elle, et qui a été plus méchante que lui. Je sens qu'elle ne m'aime plus, plus du tout, qu'elle me déteste. Je n'avais qu'elle, je n'ai plus personne, et je n'ai rien fait, moi. » Il ne voyait que son oreille et son cou de chair jeune qui s'enfonçait dans le col de la robe sous l'étoffe légère, vers des formes plus rondes, et il se sentait bouleversé de compassion, de tendresse, soulevé par ce désir impétueux de dévouement qui s'emparait de lui chaque fois qu'une femme touchait son âme. Et son âme, prompte aux fusées d'enthousiasme, s'exaltait auprès de cette douleur innocente, troublante, naïve et cruellement charmante. Il étendit la main vers elle, par un geste inconsidéré, ainsi qu'on fait pour flatter, pour calmer les enfants, et la posa sur la taille, près de l'épaule, par derrière. Alors, il sentit battre le cœur à coups pressés, comme on sent le petit cœur d'un oiseau qu'on a pris. Et ce battement continu, précipité, montait le long de son bras, vers son cœur à lui, dont le mouvement s'accélérait. Il le sentait, ce toc-toc rapide, venant d'elle et l'envahissant par sa chair, ses muscles et ses nerfs, ne leur faisant plus qu'un cœur souffrant de la même souffrance, agité de la même palpitation, vivant de la même vie, comme ces horloges qu'un fil unit de loin et fait marcher ensemble seconde par seconde. Mais elle découvrit brusquement son visage rougi, joli toujours, l'essuya vivement et dit « Allons, je n'aurais pas dû vous parler de ça, je suis folle. Retournons bien vite auprès de Madame Honora et oubliez, vous me le promettez. » « Je vous le promets. » Elle lui tendit la main. « J'ai confiance. Je vous crois très honnête, vous. » Ils revinrent. Il la souleva pour traverser le ruisseau, comme il soulevait Christiane l'année d'avant. Christiane, que de fois il était venu avec elle par ce chemin au jour où il l'adorait. Il pensa, s'étonnant de son changement, « Comme ça peut durer, cette passion-là. » Charlotte, posant un doigt sur son bras, murmurait « Madame Honora s'est endormie. Asseyons-nous sans faire de bruit. » Madame Honora dormait, en effet, adossée au pain, son mouchoir sur la figure et les mains croisées sur son ventre. Ils s'assirent à quelques pas d'elle et ne parlèrent point, afin de ne pas l'éveiller. Alors, le silence du bois fut si profond qu'il devenait pour eux pénible, comme une souffrance. On n'entendait rien que l'eau courant dans les pierres, un peu plus bas, puis ces imperceptibles frissons de bêtes menues qui passent, ces rumeurs insaisissables de mouches qui volent, ou de gros insectes noirs faisant basculer des feuilles mortes. Où étaient donc Louise et Gontran? Que faisaient-ils? Tout à coup, on les entendit, très loin. Ils revenaient. Madame Honora se réveilla et fut surprise. « Tiens, vous êtes ici? Je ne vous ai pas senti approcher. Et les autres, vous les avez trouvés ?» Paul répondit « Les voici, ils arrivent. » On reconnaissait les rires de Gontran. Ce rire soulagea Charlotte d'un poids accablant qui pesait sur son esprit. Elle n'eut pas su dire pourquoi. On les aperçut bientôt. Gontran courait presque, entraînant par le bras la jeune fille toute rouge. Et avant même d'être arrivé, tant qu'il avait hâte de conter son histoire, « Vous ne savez pas qui nous avons surpris ? Je vous le donne en mille ! Le beau docteur Mazelli avec la fille de l'illustre professeur Cloche. Comme dirait Will, la jolie veuve aux cheveux roux. Oh, mais là, surpris, vous entendez ? Surpris ! Il l'embrassait, le gredin ! Oh, mais !» Madame Honora, devant cette gaieté immodérée, eut un mouvement de dignité. « Oh, monsieur le comte, pensez à ces demoiselles !» Gontran s'inclina profondément. « Vous avez tout à fait raison, chère madame, de me rappeler aux convenances. Toutes vos inspirations sont excellentes. » Puis, afin de ne pas rentrer ensemble, les deux jeunes gens saluèrent les dames et revinrent à travers bois. « Eh bien ?» demanda Paul. « Eh bien, je lui ai déclaré que je l'adorais et que je serais enchantée de l'épouser. » « Et elle a dit ?»« Elle a dit, avec une prudence très gentille, « Cela regarde mon père, c'est à lui que je répondrai. » »« Alors, tu vas... » « Charger tout de suite mon ambassadeur Andermatt de la demande officielle. Et si le vieux rustre fait quelque mine, je compromets la fille par un éclat. » Et comme Andermatt causait encore avec le docteur Latonne sur la terrasse du casino, Gontran les sépara et mit aussitôt son beau-frère au fait de la situation. Paul s'en alla sur la route de Rion. Il avait besoin d'être seul, tant il se sentait envahi par cette agitation de toute la pensée et de tout le corps que jette en nous chaque rencontre d'une femme qu'on est sur le point d'aimer. Depuis quelque temps déjà, il subissait, sans s'en rendre compte, le charme pénétrant et frais de cette fillette abandonnée. Il la devinait si gentille, si bonne, si simple, si droite, si naïve, qu'il avait été d'abord ému de compassion, de cette compassion attendrie que nous inspire toujours le chagrin des femmes. Puis, la voyant souvent, il avait laissé germer dans son cœur cette graine, cette petite graine de tendresse qu'elle sème en nous si vite et qui pousse si grande. Et maintenant, depuis une heure surtout, il commençait à se sentir possédé, à sentir en lui cette présence constante de l'absente qui est le premier signe de l'amour. Il allait sur la route, hanté par le souvenir de son regard, par le son de sa voix, par le pli de son sourire, ou celui de ses larmes, par l'allure de sa démarche, même par la couleur et le frisson de sa robe. Et il se disait, « Je crois que je suis pincé, je me connais, c'est embêtant cela, je ferais peut-être mieux de retourner à Paris. Sacrebleu, c'est une jeune fille, je ne peux pourtant pas en faire ma maîtresse. » Puis il se mettait à songer à elle, ainsi qu'il songeait à Christiane l'année d'avant. Comme elle était aussi, celle-là, différente de toutes les femmes qu'il avait connues, nées et grandies à la ville, différente même des jeunes filles instruites dès l'enfance par la coquetterie maternelle ou par la coquetterie qui passe dans la rue. Elle n'avait rien du factice de la femme préparée pour la séduction, rien d'appris dans les paroles, rien de convenu dans le geste. Rien de faux dans le regard. Non seulement c'était un être neuf et pur, mais il sortait d'une race primitive. C'était une vraie fille de la terre, au moment où elle allait devenir une femme des cités. Et il s'exaltait, plaidant pour elle contre cette vague résistance qu'il sentait encore en lui. Des figures de romans poétiques lui passaient devant les yeux, des créations de Walter Scott, de Dickens ou de George Sand, qui excitait davantage son imagination, toujours fouettée par les femmes. Gontran le jugeait ainsi. « Paul, c'est un cheval emballé avec un amour sur le dos. Quand il en jette un par terre, un autre lui saute dessus. » Mais Bretigny s'aperçut que le soir venait, il avait marché longtemps. Il rentra. En passant devant les nouveaux bains, il vit Andermatt et les deux Auriol arpentant les vignes et les mesurant, et il comprit à leurs gestes qu'ils discutaient avec agitation. Une heure plus tard, Will, entrant dans le salon où la famille entière était réunie, dit au marquis « Mon cher beau-père, je vous annonce que votre fils Gontran va épouser, dans 6 semaines ou 2 mois, mademoiselle Louise Auriol. » Monsieur de Ravenel fut effaré. « Gontran, vous dites ?»« Je dis qu'il épousera, dans 6 semaines ou 2 mois, avec votre consentement, mademoiselle Louise Auriol, qui sera fort riche. » Alors le marquis dit simplement « Mon Dieu, si cela lui plaît, je veux bien, moi. » Et le banquier raconta sa démarche auprès du vieux paysan. Aussitôt prévenu par le comte que la jeune fille consentirait, il voulut enlever, séance tenante, l'assentiment du vigneron sans lui laisser le temps de préparer ses ruses. Il courut donc chez lui et le trouva faisant, à grand-peine, ses comptes sur un bout de papier graisseux, avec l'aide de Colosse qui additionnait sur ses doigts. S'étant assis, « Je boirai bien un verre de votre bon vin, » dit-il. Dès que le grand Jacques fut revenu, apportant les verres et le broc tout plein, il demanda si mademoiselle Louise était rentrée, puis il pria qu'on l'appelât. Quand elle fut en face de lui, il se leva et, la saluant profondément, « Mademoiselle, « voulez-vous me considérer en ce moment comme un ami à qui on peut tout dire ?»« Oui, n'est-ce pas ?»« Eh bien, je suis chargé d'une mission très délicate auprès de vous. Mon beau-frère, le comte Raoul Olivier Gontran de Ravenel, s'est épris de vous, ce dont je le loue, et il m'a chargé de vous demander, devant votre famille, si vous consentiriez à devenir sa femme. » Surprise ainsi, elle tourna vers son père des yeux troublés, et le père Auriol, effaré, regarda son fils, son conseil ordinaire. Et Colosse regarda Andermatt, qui reprit avec une certaine morgue. « Vous comprenez, mademoiselle, que je me suis chargé de cette mission qu'en promettant une réponse immédiate à mon beau-frère. Il sent très bien qu'il peut ne pas vous plaire, et dans ce cas, il quittera demain ce pays pour n'y plus jamais revenir. Je sais en outre que vous le connaissez suffisamment pour me dire, à moi, simple intermédiaire, « Je veux bien » ou « Je ne veux pas ». Elle baissa la tête et, rouge mais résolue, elle balbutia « Je veux bien, monsieur ». Puis elle s'enfuit si vite qu'elle heurta la porte en passant. Alors Andermatt se rassit et, se versant un verre de vin à la façon des paysans, « Maintenant, nous allons causer d'affaires, » dit-il. Et, sans admettre la possibilité même d'une hésitation, il attaqua la question de la dot, en s'appuyant sur les déclarations que le vigneron lui avait faites 3 semaines auparavant. Il évalua à 300 000 francs, plus des espérances, la fortune actuelle de Gontran, et il laissa entendre que si un homme, comme le comte de Ravenel, consentait à demander la main de la petite Auriol, une très charmante personne d'ailleurs, il était indubitable que la famille de la jeune fille saurait reconnaître cet honneur par un sacrifice d'argent. Alors le paysan, très déconcerté, mais flatté, presque désarmé, tenta de défendre son bien. La discussion fut longue. Une déclaration d'Andermatt l'avait cependant rendue facile dès le début. « Nous ne demandons pas d'argent comptant, ni de valeur, rien que des terres, celles que vous m'avez désignées déjà comme formant la dot de mademoiselle Louise, plus quelques autres que je vais vous indiquer. » La perspective de ne point débourser de monnaie, cette monnaie amassée lentement, entrée dans la maison franc par franc, sou par sou, cette bonne monnaie, blanche ou jaune, usée par les mains, les bourses, les poches, les tables des cafés, les tiroirs profonds, les vieilles armoires, cette monnaie, histoire sonnante de tant de peines, de soucis, de fatigues, de travaux, si douce au cœur, aux yeux, aux doigts du paysan, plus chère que la vache, que la vigne, que le champ, que la maison. Cette monnaie, plus difficile à sacrifier parfois que la vie même, la perspective de ne point la voir partir avec l'enfant, apporta tout de suite un grand calme, un désir de conciliation, une joie secrète, mais contenue dans l'âme du père et du fils. Ils discutèrent cependant pour garder en plus quelques lopins de sol. On avait étalé sur la table le plan détaillé du mont Auriol, et on marquait, une à une, avec une croix, les parties données à Louise. Il fallut une heure à Andermatt pour enlever les deux derniers carrés. Puis, afin qu'il n'y eût aucune surprise de l'un ou de l'autre côté, on se rendit sur les lieux avec le plan. Alors, on reconnut soigneusement tous les morceaux désignés par les croix et on les pointa de nouveau. Mais Andermatt était inquiet, soupçonnant les deux Auriol capables de nier, à leur première entrevue, une partie des cessions consenties, de vouloir reprendre des bouts de vigne, des coins utiles à ses projets. Et ils cherchaient un moyen pratique et sûr de rendre définitive leur convention. Une idée lui traversa l'esprit, le fit sourire d'abord, puis lui parut excellente, bien que bizarre. « Si vous voulez, dit-il, nous allons écrire tout ça pour ne rien oublier plus tard. » Et comme il rentrait au village, il s'arrêta devant le débit de tabac pour acheter deux papiers timbrés. Il savait que la liste des terres dressées sur ses feuilles légales prendrait aux yeux des paysans un caractère presque inviolable, car ces feuilles représentaient la loi, toujours invisible et menaçante, défendue par les gendarmes, les amendes et la prison. Donc, il écrivit sur l'une et recopia sur l'autre. Par suite de la promesse de mariage échangée entre le comte Gontran de Ravenel et mademoiselle Louise Auriol, Monsieur Auriol père abandonne comme dot à sa fille les biens désignés ci-dessous. » Et il les énuméra minutieusement avec les numéros du registre cadastral de la commune. Puis, ayant daté et signé, il fit signer le père Auriol, qui avait exigé à son tour la mention de la dot du fiancé. Et il s'en alla vers l'hôtel, portant le papier dans sa poche. Tout le monde riait de son histoire, et Gontran plus fort que les autres. Alors le marquis dit à son fils, avec une grande dignité, « Nous irons ce soir, tous les deux, faire une visite à cette famille, et je renouvellerai moi-même la demande présentée d'abord par mon gendre, afin que ce soit plus régulier. »